Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Pierre-François Lepoutre, paysan et député des États généraux. Comment la Révolution française a débuté, nous l'avons tous appris à l'école. Janvier 1789, Louis XVI convoque les États généraux et appelle ses sujets dans tout le royaume à rédiger des cahiers de doléances. Les États généraux s'ouvrent à Versailles le 5 mai. 17 juin, le tiers-État se proclame Assemblée nationale. 20 juin, les députés prêtent le serment du jeu de paume. 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Avec le temps et l'habitude, la succession de ces événements résonne presque comme une rengaine. Et pourtant, non, rien n'était écrit. Lorsque fin avril 1789, un certain Pierre-François Lepoutre, notre héros de ce soir, quitte son village près de Lille et prend la route pour Versailles, ses cahiers de doléances précieusement rangés dans sa carriole, il est fier sans doute. Ce fermier vient d'être élu député du tiers-état, une grande responsabilité. Heureux et fébrile aussi. Enfin, le roi bien-aimé va écouter ses sujets, connaître leur misère, entendre leur colère. Mais ce que Pierre-François Lepoutre ne peut alors imaginer, c'est qu'il ne reviendra chez lui qu'en 1791, qu'il va vivre au jour le jour une révolution en marche, participer dans l'euphorie et dans l'angoisse, à la mise à mort de l'ancien régime et à l'invention d'un monde nouveau. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Pierre Cerna, bonsoir. Bonsoir Stéphanie Duncan. Vous êtes historien, spécialiste de la Révolution française, professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne, l'auteur d'un livre sur les cahiers de doléances, justement, qui sort dans quelques jours, « Que demande le peuple ?» Alors, « Que demande le peuple ?» C'est peut-être la question, justement, que le roi Louis XVI pose début 89, quand il convoque les États généraux et appelle donc ses sujets à rédiger des cahiers de doléances pour, je cite, « l'aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons ». C'est ce qu'il écrit dans cette lettre aux Français, à ses sujets, comme on disait, alors, pour quelles raisons Louis XVI convoque-t-il les États généraux et qu'est-ce qu'il en attend ? En fait, le royaume est en crise depuis le début des années 1780. Fort heureusement, la crise politique ne veut pas dire révolution, car sinon, vous le voyez bien dans le monde aujourd'hui, nous serions en révolution permanente. Il faut d'autres éléments pour commencer une révolution. Personne ne songe à la révolution. Mais depuis 1783 et la signature du traité de Versailles, qui signifie que le roi Louis XVI a gagné avec les Américains la guerre d'indépendance, les caisses sont vides. Et surtout, en 1786, la signature du traité de commerce avec l'Angleterre montre une entrée des produits anglais dans le royaume qui concurrence victorieusement l'ensemble des produits français qui coûtent plus cher. De plus, 1788, nous avons, on l'a oublié, mais les problèmes écologiques vont compter déjà dans la Révolution. Le déclenchement de l'explosion des volcan islandais a en fait créé un immense nuage au-dessus de l'Europe et toutes les récoltes de céréales sont déréglées à partir de 1787 et on connaît les orages de grêle de 1788 qui vont coucher le tiers des blés en Beauce et donc affaiblir et créer des situations de disette dans le bassin parisien. Pauvreté, endettement, les impôts ne cessent d'augmenter. Mais surtout, les élites du royaume qui ont été convoquées en 1787 par le contrôleur général des finances Calonne pour trouver une solution et accepter enfin de participer à l'effort de tous. Oui, parce qu'il faut rappeler que la noblesse et le haut clergé ne payent pas d'impôts. Les impôts reposent sur 98% de la population, donc qui est composée elle-même d'à peu près 80% de paysans qui sont au bord de la pauvreté et qui subissent non seulement les impôts de la noblesse, les impôts du clergé et les impôts du roi. Et avec une situation de crise, les impôts ne rentrent plus et le royaume se paupérise. Alors pourquoi des états généraux ? Pourquoi est-ce que c'est parce que les états généraux, il n'y a qu'eux qui peuvent éventuellement permettre de lever de nouveaux impôts ? En 1787, Calonne, contrôleur général des finances, donc convoque une assemblée des notables, et ces notables, qui représentent les élites françaises, continuent à persister dans leur aveuglement, alors que de l'autre côté du Channel, de l'autre côté de la Manche, tous les aristocrates, tous les nobles anglais payent des impôts. Et peut-être pour cela, justement, l'Angleterre a évité sa révolution. Face à ce refus, Louis XVI, moins bené qu'on ne le dit dans la légende, Louis XVI, qui est un homme avisé, dit « Eh bien, puisque mes élites ne me suivent pas, Louis XVI joue la carte du tiers-État, joue la carte de l'appel à l'ensemble du mot qui commence à apparaître, la nation, pour faire prendre conscience que tous doivent payer pour sortir le royaume de l'ornière dans lequel ils se trouvent. Il espère que le peuple va exiger donc que la noblesse et le clergé participent à l'effort national. C'est évident, le roman de la contre-révolution a inventé littéralement un mythe, celui du clergé et de la noblesse avec le roi. Il n'en est strictement rien pour les contemporains de 1787 et 1788. Ah, comment fonctionnent ces états généraux ? C'est une machine très lourde parce que il faut appeler à un acte d'une démocratie, pourrait-on dire, absolument colossale, c'est-à-dire demander au plus simple des sujets, sous-entendu masculin. La moitié des sujets, bien évidemment, vous faites bien de me corriger immédiatement. Dans ce pays de 26 à 27 millions d'habitants, donc chaque homme qui a 25 ans et qui paie le moindre impôt et qui est surtout résident d'un lieu pourra participer à l'assemblée paroissiale qu'on appelle la fabrique et donc pour donner ses doléances. Et puis après il y a des systèmes de filtrage donc sous les sous-sénochaussées, sous les sous-bailliages, on va réunir les cahiers et puis dans 400 bailliages et sénéchaussées, on va de nouveau réécrire et synthétiser les demandes de telle sorte que les trois ordres vont apporter 12 cahiers chacun, 36 cahiers qu'ils déposent au pied du roi le 5 mai 1789. Et qui sont les députés du tiers-état ? D'abord, les députés de la noblesse, on a une noblesse divisée, soit des nobles très grands, soit des petits obereaux de province qui sont appauvris et qui ont vraiment beaucoup de ressentiment vis-à-vis du roi. Le clergé est lui aussi divisé entre le haut clergé et le bas clergé, qui va être un des moteurs essentiels de la révolte qui va se transformer en révolution. Et puis on a ce tiers état en fait qui représente en fait les élites locales, bourgeois, notaires, avocats, professeurs, médecins, hommes de loi. En majorité, rares sont les fermiers, du coup le témoignage de Lepoutre n'en est que plus précieux, avec l'exclusion de ce que Dufourny appelle la masse des Français, le quatrième état, les plus pauvres, qui eux n'ont pas droit à la parole. Merci Pierre Cernat, je vous propose que nous poursuivions tout à l'heure cette discussion. Nous partons tout de suite en mars 1789, aux côtés de Pierre-François Lepoutre, paysan et député du tiers-état, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Cédric Aussire. Déjà les vêpres ? Angélique va s'inquiéter. Ah, mais je suis arrivé, c'est la petite maison au bord de l'étang. Quel paysage de désolation. Quelle pauvreté. Jeanne, la voilà veuve avec trois enfants. Si son mari n'était pas mort dans l'incendie, il aurait eu bien des choses à dire au cahier de doléances. Jeanne me les dira. Les rives de l'étang sont verglacées. Que je n'aille pas me casser une jambe. Je dois entendre tout le monde. C'est important. Le roi l'a dit. Je veux connaître l'avis de tous mes sujets, jusqu'aux extrémités du royaume. Ils étaient tous là à l'église pour la réunion. Même Albéric Portois qui ne vient jamais à la messe. Ils n'en reviennent pas qu'on leur demande leur avis. Certains n'osaient pas, mais à la fin tout le monde parlait en même temps. Ils voulaient tous voir leurs plaintes inscrites au cahier de doléances. Je n'arrivais pas à écrire assez vite avec mes doigts glacés. Pour sûr, que d'abus fait à notre communauté. Bon, me voilà chez Jeanne. 22 mars 1789. Pierre-François Lepoutre, 41 ans, est fermier dans le petit village de Lincelles, à 15 km de Lille. En cette fin d'hiver, dans les Flandres, comme dans toute la France, la famine menace. Les maigres récoltes de l'été précédent s'épuisent. Le peuple, soumis aux redevances seigneuriales, se révolte. Les taxes augmentent. La France est endettée. Il faut lever de nouveaux impôts. Le roi veut donc réunir les états généraux et il a appelé à la rédaction des cahiers de doléances. Une décision exceptionnelle. 28 millions de Français, que la monarchie ignore depuis des siècles, sont invités à proposer des réformes. Quand Pierre-François entre dans la chaumière, Jeanne l'invite à s'asseoir près de la cheminée. Tais-toi, petit Jeannot. C'est la fièvre. Oui, non, je comprends. Je dois dire mes idées sur les affaires de l'État. Ça alors. Bon, je me dépêche. C'est gentil d'être venu. Je me suis dit que Martin, il aurait eu à dire. Non, ça, oui, Martin. Bon, n'en parlons pas, ça me rend triste. Donc, les députés qu'on aura, ils vont aller aux États généraux à Versailles. Et là, ils vont dire nos volontés écrites sur le cahier. Bon, bah, c'est bien simple, on veut pas payer plus d'impôts. Vous l'écrivez pas? Jeanne, c'est déjà écrit. Tous les villageois de Lincelles le demandent, toute la France. Mais qui c'est les députés? Vous le savez, vous? Les élections, c'est la semaine prochaine, à Lille. De ce que je sais, nous, les délégués des villages, on va élire 4 députés. Il y aura un avocat, un négociant... Oh. Jeannot, sois bon garçon, arrête de pleurer. Le seigneur dit que je lui dois encore 3 poulets. Je les donnerai pas. Ça, vous pouvez le noter. Faut le dire au roi. Quand il le saura, il nous donnera raison contre les seigneurs. Je parle avec mon cœur, là. C'est le vœu de notre bon roi, Jeanne, que chacun se fasse entendre avec franchise. Les seigneurs nous enlèvent tout ce qu'on a. Ils décident de faire vivre l'un et de faire mourir l'autre. Ils doivent payer l'impôt, comme nous autres. Tous pareils selon ses propriétés. Attends, tous pareils selon ses propriétés. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les autres? Ah bah, il faudrait enlever les taxes sur le bois, le sel, la farine... Ah ça oui! Manquer de pain et de sel, c'est pire qu'un animal. Et vivre de notre travail, parce que pour le moment, une fois payés les droits aux seigneurs et les fiscalités royales, il reste rien. Ça oui, vous pouvez le noter. Je suis d'accord sur tout ça. Le roi doit soutenir le faible contre le fort. C'est pour cela que Dieu l'envoie. Oh, Pierre-François, il fait presque nuit. Allez. Bon, j'espère que petit Jeannot va guérir. Vous n'avez pas besoin de boire? J'en ai. Mais je voudrais vendre mon cheval. Il ne sert à rien. On a ce qu'il faut, mais j'y penserai si ça se présente. Adieu. Pierre-François Le Poutre repart à travers la grande plaine. Au loin, les collines du Mont des Flandres se devinent à peine dans le brouillard du soir. Les doléances portent surtout sur le seigneur et propriétaire de Lincelles, un magistrat du Parlement de Flandre, M. Forest de Carteville. Il fait payer des droits sur le moulin à farine, impose des redevances sur la récolte, oblige les paysans à exécuter toutes sortes de corvées. Les cahiers sont unanimes, il faut en finir avec le régime féodal. C'est ce que Pierre-François découvre quelques jours plus tard, quand il retrouve à Lille les délégués des autres villages du canton. La réunion a lieu en l'église Saint-Étienne. Après une cérémonie commune, l'assemblée se divise en 3 ordres. Les 2 ordres privilégiés, le clergé et la noblesse, choisissent chacun 2 députés. De leur côté, Pierre-François et tous les délégués des 320 villages vont élire 4 députés à bulletin secret. Aux États généraux de Versailles, ils représenteront le troisième ordre, le tiers état. Quelques jours plus tard, Pierre-François rentre au village. Ce Vartel, c'est bien un bourgeois. Il est d'un arrogant, celui-là. Supprimer les droits de chasse ou diminuer le prix des fermages, pour lui, ce sont des doléances ridicules. C'est pas à lui de juger. D'ailleurs, tout le monde en est sûr, le roi va prendre fait et cause contre les seigneurs. Il y en a même qui prennent les devants, attaquent les châteaux, brûlent les registres seigneuriaux et refusent de payer les rentes. Notre bon roi a ordonné de rédiger les cahiers de doléances, soit, on le fait. Mais j'ai bien peur que tout ça secoue le pays et donne trop d'espérance. Il faut craindre le pire d'un peuple déçu. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est le cahier de doléances des habitants majeurs de 25 ans nés sujets du roi. Monsieur Pierre-François, pourquoi vous restez dans votre silence? Il n'y a pas mot depuis qu'on a quitté l'île. Qu'est-ce que vous lisez? Des cahiers de doléances, Castellin. Si tu veux bien, pousse un peu les chevaux, j'ai hâte d'arriver. Vous avez bien de la chance qu'il fasse grand soleil aujourd'hui. C'est le printemps, s'il avait plu sur tous vos papiers. Vous n'avez qu'à me lire à voix haute, ça me distraira. Nos députés sont chargés d'exposer aux États généraux que la répartition des impôts est illégale, disproportionnée, et ils demanderont que les choses soient établies avec justice. Oh. Ça alors, c'est qui cela? Le village de Bachy. Ah, oh, eux Ils sont toujours à faire leur tête sans rien entendre là-bas. On arrive à Lincelles. Écoute ça. Nous, on veut que les ministres du roi soient déclarés responsables de toutes les déprédations dans les finances. Ah là là là là. Ils veulent mettre les ministres à la Bastille, ces gars de Bachy. La charrette de Castelin et Pierre-François passe sous la voûte du large porche de la ferme des Lepoutres. Un beau bâtiment de briques rouges domine cette grosse exploitation de 50 hectares où Pierre-François, fermier aisé, cultive le blé, l'avoine et le lin pour produire de la toile. Il possède aussi des troupeaux de moutons, des chevaux de labour. 5 employés travaillent pour lui à l'année et s'affairent dans les granges, les écuries, les étables. Au milieu de la cour carrée, Angélique, la femme de Pierre-François, vêtue d'une robe de lin bleu à rayures blanches, sourit en les voyant arriver. Enfin, Pierre-François. Ça fait 5 jours que vous êtes en ville, j'ai l'impression que ça fait un mois. Mais vous êtes blanc comme linge. Regardez-moi, Angélique. Ils m'ont élu député. Quoi ? Pierre-François, c'est une grande preuve de confiance. Oui, peut-être même... Mais vous vouliez vous présenter, vous ne me l'aviez pas dit. Mais non, je ne sais comment c'est arrivé. Les campagnards voulaient des porte-paroles pour les communautés villageoises, pas seulement des gens de la ville. Ceux-là espéraient faire la loi et ils ont été bien surpris. Il y a eu des discussions, et si, et ça, rien à faire. Et à la fin, les campagnards m'ont désigné, moi. Voilà. Rentrons. Castelin, va nous chercher un flacon. Oui. Pourquoi moi ? Je suis qu'un paysan. Rien de mieux pour porter les doléances des campagnes de Flandre à Versailles. Mais faites pas cette mine, vous qui riez tout le temps. Mon Pierre-François député. Quelle nouvelle ! Dommage que les garçons soient déjà repartis pour la pension. Angélique, pendant mon absence, je veux que Josse et Pierre fassent bien leur devoir. Vous y veillerez, n'est-ce pas ? Louis aussi, même s'il n'a que 8 ans... Ayez l'œil sur lui. Rien ne vaut l'éducation. Ah, on est fiers de vous, monsieur Pierre-François. Ça oui, on est fiers de vous. Ça me rend heureux. Et inquiet. Vous, Angélique, toute seule ici, avec tout ce qu'il y a à faire à la ferme au printemps. 20 ans de mariage. Vous me savez capable de tenir la ferme. Nos colsas sont beaux. On ne peut pas désirer mieux. Les blés en herbe commencent à monter. Je vais bien m'en occuper. Angélique, je pars si loin. Versailles, c'est l'inconnu pour moi. Oh, mais j'y pense. Demain, je dois aller à Lille porter 2 sacs d'orge à faire moudre pour les chevaux. Mais j'ai tous les cahiers de doléances à lire pour les réunir en un seul. J'irai. Oh, Pierre-François, tranquillisez-vous. Vous m'écrirez et je lirai vos lettres à tout le village. Pensez aussi à m'envoyer les journaux, que je comprenne bien. Allez, buvez! À la santé de monsieur le député. Et vive le roi. Versailles. Moi qui n'ai jamais été plus loin que Lille. De l'or partout. Aux grilles du château, aux balcons, même sur les toitures. Tout brille ici. Et les carreaux aux fenêtres, je n'en ai jamais vu d'aussi grands. Quelle foule, princes, princesses à plumes et à fleurs, carrosses, régiments de domestiques en livrée, soldats, tout pêle-mêle. Tandis qu'à Lille, on a faim, on attaque les boulangeries. Les campagnards deviennent cruels à force de mauvais traitements. Et nous, les députés, avons mandat de soulager le pauvre s'il est possible. J'arrive pas à croire qu'à la Saint-Jean, je serai ici. Et Angélique, seule à la ferme. Faut que je lui dise pour les moutons. Le prix que Favier a demandé est trop haut, d'après mon calcul. C'est l'affaire de quelques semaines. Versailles. Ce luxe au milieu de la détresse générale. C'est donc ici que le roi va réformer les injustices. Versailles, le 3 mai 1789. Pierre-François Le Poutre découvre le logement qu'il va partager avec ses collègues députés de Lille et se prépare pour un événement exceptionnel, l'ouverture des États généraux. qui, on l'ignore encore, sera la dernière grande cérémonie de l'Ancien Régime. Une immense procession traverse Versailles, un spectacle inouï. Les spectateurs ont envahi les toits. Les balcons tendus de tapisseries sont loués à prix d'or. Viennent d'abord les écuyers de la maison du roi et les fauconniers, oiseaux sur le point. Puis, contraste étonnant, une masse d'hommes vêtus de noir, parmi elles Pierre-François Lepoutre. Ce sont les 578 députés du tiers-état venus de toute la France. Suivent les 270 députés de la noblesse, épée au côté, manteau noir paré d'or et chapeau à plumes. Enfin le clergé, 291 députés, les cardinaux en rouge, les évêques en violet et bonnet carré, et les curés en soutane. Deux chevaux harnachés mènent la voiture du roi et sa famille. La monarchie absolue brille de tout son éclat. Le lendemain, une séance solennelle ouvre les états généraux dans la salle des menus plaisirs, aménagée pour l'occasion. Nobles et ecclésiastiques rejoignent leur place de part et d'autre de l'estrade où trône le roi, entouré des grands du royaume. Pierre-François Lepoutre attend l'énoncé de son nom devant une petite porte pour aller s'installer sur les bancs réservés aux tiers états face au trône. Le soir, il retrouve Castelin. Que de vexation. Hier, pour la procession, on nous a fait attendre 3 heures. Nous, la nation. Certains ont crié « Vive le roi !» Mais j'en ai entendu murmurer « Fi donc !» Mais le roi n'y est pour rien, c'est son entourage. Tiens, quand l'évêque de Nancy a parlé du luxe de la cour opposé à la misère des campagnes, sur la bouche de la reine, j'ai bien vu une petite grimace de mauvaise humeur. Il nous méprise. Alors, vous avez vu le roi ? C'est pas croyable ! Il avait un manteau de drap d'or, comme la noblesse et le haut clergé. Et nous, tout en noir comme des rats. Ah, Castelin, nous, le tiers, nous ne sommes rien. Ah, mais comment ça a commencé ? Oh, mal. Le roi est entré. Nous, le tiers état, on devait se lever. Mais on s'était donné le mot. Tu sais, il y a des Bretons, des fortes têtes. Ils ont dit, on ne bouge pas. Ah oui, mais c'est le roi. Oui, Castelin, mais les autres, ils se lèvent pas devant le roi. Pourquoi nous ? Ils veulent nous humilier. Ça, je m'en rends bien compte. Vous vous êtes laissé monter le bourrichon. On se demande pourquoi le roi nous fait venir. Il a parlé que de la dette. J'étais ébahi. Et de nouveaux impôts. La noblesse et le clergé vont payer ? Pas sûr. Il dit se méfier d'un désir exagéré d'innovation. Et Necker, il a parlé finances ? D'après lui, le déficit de la France, c'est 75 millions, tu te rends compte ? Comment ça se fait une dette si grosse ? Si c'est ça qu'on doit payer, on n'y arrivera jamais. Il y en a qui abusent, ça peut pas être autrement. C'est pas eux, c'est ceux d'avant. Pendant 3 heures, il nous l'a répété, Necker. Faut faire vite, les créanciers du trésor public sont pressés. Sinon, ce sera la faillite de la France. La faillite ? Sauf si on se dépêche de voter les nouveaux impôts. Tu vois, Castelin, nous on est venus avec les cahiers de doléances, chargés d'espoir. Et au final, de quoi on parle ? De finances. Je suis déçu. Vous attendiez de lire votre cahier au roi, vraiment ? Vous allez faire ce qu'on attend de vous, voter l'impôt et retour au bercail. C'est pas si simple. Necker a dit que si l'Assemblée demande le vote par tête, les états généraux seraient arrêtés, et pour longtemps. Là, je suis perdu, là. Je ne suis qu'un berger, moi. Voter par tête. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire un député égale une voix. Nous, le tiers-état, on est 578, donc on est aussi nombreux que le clergé et la noblesse réunis. Si on vote par tête, c'est équitable. La voix d'un député du tiers-état vaut autant que celle d'un noble ou d'un religieux. Mais si on vote par ordre... Par ordre, ça veut dire en troupeau. Clergé et noblesse contre tiers-état. Deux contre un. Ils feront tout ce qu'ils voudront et nous n'aurons qu'à obéir. Vous parlez déjà comme un vrai député, monsieur Pierre-François. C'est qu'on discute entre nous. Ils ont tous une nouvelle façon de penser qui me paraît juste. Il y en a qui disent que d'abord il faut réunir les trois ordres. Après on votera par tête, dans une seule assemblée. Et pourquoi ça ? Oui, ils voudront jamais. Parce que, tu vois, Castelin, on est une seule nation. Dès le premier jour des états généraux, ce 5 mai 1789, l'enjeu politique est posé. Le roi ordonne que les députés se séparent en 3 ordres. Pour lui, la Chambre n'est que consultative. Elle va consentir à l'impôt, c'est-à-dire obéir. La noblesse et le clergé s'installent chacun dans une salle. Mais dès le 6 mai, le tiers-état prend le nom de Chambre des communes sur le modèle anglais et proclame qu'il ne commencera ses travaux qu'à la réunion des trois ordres en une seule assemblée. Il invite les deux ordres privilégiés à le rejoindre. La monarchie absolue est tout de suite confrontée à ce qu'elle ne peut admettre, la désobéissance. La noblesse, au nom de l'urgence, commence ses travaux et rejette le principe du vote par tête. Le tiers-état maintient sa position. Des commissaires des trois ordres sont nommés pour négocier. Les jours passent, les états généraux sont bloqués et la tension monte. Le 23 mai 1789, on est au bord de la crise. Les nobles nous déclarent la guerre, avec plus d'impériorité que jamais. Et parmi nous, les Bretons, les Comtois, les Provençaux et les Languedociens, tous prêts à en découdre. Ils ont contre la noblesse une fureur. De mauvais bruits courent d'une chambre à l'autre. Tout cela aigrit les uns contre les autres. Si chacun persiste sur ses positions, que ferons-nous? Et les cahiers de doléances? Tout ce travail, tout ça pour rien? La conciliation est impossible. J'ai entendu un Provençal qui disait que jusqu'à présent nous étions au repos, mais aujourd'hui, le lion s'éveille plus terrible pour se jeter sur sa proie. Prions pour que les bons esprits prévalent. Bon, je te dis bon voyage, Castel. Salut tout le village. Ah, mes moutons attendent qu'on les mène au pâturage, hein. Je suis bien content. Sûr, Angélique va demander comment je m'organise. Bah, c'est pas compliqué. Je vais lui dire que vous vous levez matin, vous lisez les brochures concernant vos opérations aux états généraux, vous mangez à 8 heures un morceau de pain avec un pot de vin, puis crac, à l'assemblée jusqu'à la nuit. Va, Castelin. Ah, ça me fait drôle de rester tout seul. Sacré Dieu, monsieur. Tenez ferme. À Bonloup, vous serez à Lincelles. Si le roi calme les privilégiés, on a demandé à le voir et il a dit qu'il partait à la chasse. Une grande maladresse. Allez, bonne route. Allez. Début juin, les états généraux n'ont pas avancé, mais la banqueroute de l'État ne s'est pas produite. Pierre-François Lepoutre et tous les députés du tiers-état adjurent le clergé de se joindre à eux. Sans succès. Les pourparlers entre les délégués des trois chambres échouent. Mi-juin, l'Assemblée n'a pas progressé. Pendant ce temps, le prix du blé ne cesse d'augmenter. Meuniers et négociants spéculent sur le prix du grain et celui du pain a doublé. Dans les campagnes, la pression augmente sur les fermiers, comme Angélique Lepoutre. Lincelles, le 5 juin 1789. Mon cher mari, Castelin m'a dit ce qui se passe à Versailles. Ici, nos fèves sont récoltées. Les lins promettent bien. Les blés sont d'une belle couleur jaune, comme l'or. On veut m'obliger à les vendre en ville. Moi, je veux le garder aux habitants de Lincelles, qui ont faim et n'ont rien. Je prévois, cher ami, que vous serez longtemps absent. Conservez votre vie. Nous en avons besoin tous deux. Ah, ma pauvre Angélique. J'ai entendu un noble dire « Nous ne céderons pas, nous avons des fusils ». Et ceux de chez nous ont répondu « Eh bien, nous nous battrons ». Il vaut ne pas l'écrire à Angélique. Si cet esprit gagne la province, c'est la guerre civile. Versailles, ce 6 juin. Ma chère et bonne amie, vous écrivez que l'ouvrage avance bien. Tout cela me soulage. Depuis que nous sommes à Versailles, on pourrait croire que les abus seraient déjà corrigés par notre assemblée. Point du tout. Et entre vous et moi, je peux vous dire que peu de choses nous font espérer un bon succès. Mais l'Europe entière fixe ses vues sur notre conduite. Nous voulons être irréprochables. Rien ne vous oblige à vendre votre blé à la ville. Les ouvriers qui ont récolté à la sueur de leur corps doivent être secourus les premiers dans ce moment de disette. Embrassez tous nos enfants pour moi. Je finis avec le désir de vous embrasser de tout mon cœur, ma bonne amie, et suis votre affectionné mari. Le soir du 16 juin 1789, on frappe à la porte de la salle des menus plaisirs où siègent encore les députés du tiers-état à la lueur des chandelles et des torches. Le président de séance accueille les nouveaux arrivants en grande cérémonie. Quoi ? Mais ce sont des curés. Une vingtaine au moins. Joseph, notre curé de Lille. Joseph! Qu'est-ce que tu fais là? Notre député, le curé de Toumé, est malade. Je le remplace. Et tu viens te joindre au tiers état. Ça plaît à ton évêque? C'est à ma conscience que je veux plaire. Est-ce que je peux sacrifier l'intérêt de la nation à celui du clergé? Moi, je crois en la douceur, la prudence, pas à la guerre. L'apathie du gouvernement est inconcevable. Mais quand on boit 50 000 livres de champagne par an. Joseph, c'est Versailles. Comment ça va au pays? Ah, c'est la famine. Que de malheur. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. L'évangile dit aussi, il est plus facile à un chameau de passer le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux. Les privilèges, les droits honorifiques, oui, nous devons tout abandonner pour rester parmi nos frères. Je refuse de siéger en chambre séparée. C'est le bon sens juridique du tiers-état de l'avoir imposé. La force est de notre côté. Le tiers-état est tout. Tu as lu la brochure de l'abbé Sieyès? Prends une place sur ce banc à côté de moi. La séance est levée à 22h. Pierre-François Lepoutre entraîne le curé Nolf par les rues de Versailles au café Amaury, là où depuis le début des états généraux se retrouvent les députés bretons. Au fil des semaines, d'autres les ont rejoints. Il y a Sieyès, l'air grave, la parole mesurée, et le comte de Mirabeau, redingote noire, visage épais, élu du tiers, un orateur hors pair. En fait, c'est au café Amaury qu'est définie préalablement l'orientation des débats. Et ce soir du 16 juin, une décision historique se prépare. Regarde, Mirabeau, c'est celui avec la perruque blanche de travers. Il suit à grosses gouttes. À côté, c'est Sieyès, en habit de velours bleu sombre, le col relevé. Je n'imaginais pas comme ça. Un abbé, il a l'air d'un lord anglais. Il va parler. Demain, nous aurons fini l'appel des députés. Il faudra passer à l'étape suivante. Trouver un nom à notre assemblée. Alors, voyons, Mounier propose « Assemblée légitime des représentants de la majeure partie de la nation en l'absence de la mineure partie ». C'est long, je trouve. Mirabeau, une proposition? Oui. L'Assemblée des représentants du peuple. Pourquoi du peuple? Lui, c'est un avocat d'Arras, Robespierre. Il parle jamais à l'Assemblée. J'ai la fièvre, je suis pas trop en état de discuter. Pourquoi représentants du peuple? Personne ne peut nous disputer ce titre. Mais nous représentons la nation tout entière. Oui. Mais parce que représentants du peuple, cela contentera le roi. Je le demande. Pouvez-vous vous passer de son agrément? Mirabeau, celui qui dit que la volonté d'un seul est au-dessus de la volonté de la nation, dit que la nation n'est rien, et qu'un seul homme est tout. Le métaphysicien, voyageant sur une map monde, franchit sans peine montagnes, déserts, fleuves et abîmes. Mais pour réaliser le voyage, il faut se rappeler qu'on marche sur la terre. Bon, moi, je propose assemblée des représentants connus et vérifiés de la nation française, la seule qui convient. Monsieur l'abbé Sieyès a un but évident. Mon but, Mirabeau, c'est de couper le câble avec le vieil ordre. Oui, devenir une assemblée active et gouvernée. Vous nous quittez, Mirabeau? Oui, messieurs, nous devons avancer notre constitution française et son préambule. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça, Joseph, j'en ai jamais entendu parler. Les Français seront le premier peuple du monde à établir la véritable démocratie. En appelant tous les hommes à bénéficier des droits du citoyen. Tous les citoyens égaux. Je vous parle aussi des juifs persécutés, des comédiens. On ne peut condamner à l'oppression des hommes qui vivent parmi nous. Tous ont droit à la dignité. Que de belles idées. Pierre-François, vous entendez? L'égalité. Joseph, tout s'accélère, je le sens. Tout va changer. Bien, séparons-nous. Ah, un instant. La délégation du Berry, un avocat élu de Bourges propose comme dénomination Assemblée nationale. Bien, à demain matin. Le lendemain matin, 17 juin 1789, la dénomination Assemblée nationale obtient la majorité avec 491 voix. Je jure à Dieu, au roi. À la patrie, de soutenir avec fidélité les droits et la liberté de la nation. Vive le roi! C'est une étape décisive, en rupture avec l'absolutisme de l'Ancien Régime. L'Assemblée nationale déclare être la nation même et agir au nom de la volonté générale. Dans les mêmes termes que ceux utilisés par le roi, elle décrète qu'elle assurera la perception des impôts et le paiement de la dette publique tant qu'elle siégera. On se sépare à minuit, exalté, euphorique. De retour dans son logement, à la lumière d'une bougie, Pierre-François écrit à Angélique. C'est la première victoire. De Versailles, ce 18 juin 1789. Ma chère amie, ce soir, on a pris le nom d'Assemblée nationale. Jamais on n'a vu d'assemblée plus attendrie, au point d'attirer les larmes de joie de tous les spectateurs. Castelin ! Castelin ! Écoute, c'est Pierre-François. Ils ont pris le nom d'Assemblée nationale. Écoute, je vous l'annonce pour que tous ceux qui nous ont mandatés participent du bonheur et de la félicité de la liberté dont jouira pour toujours la nation française. Tu vois, tu n'y croyais pas. Lisez un peu la suite, que je sois sûr. Quel heureux souvenir pour nos descendants que ce succès. On bénira à jamais les bontés de notre monarque. Le tout opéré avec le concours de messieurs les curés. Quant à la noblesse, ils ne s'attendaient point que les ci-devant nommés tiers-états agissent avec tant d'énergie et de fermeté. Ils se trouvent actuellement dans un état de surprise que je ne saurais vous exprimer. C'est un héros. Je ne sais pas quoi dire. Tiens, voilà Jeanne, avec son vieux cheval. Jeanne ? Mais c'est petit Jeanne qui conduit le cheval. Ah oui, il a bien guéri. Le méchant hiver est passé. Pierre-François m'avait dit que peut-être vous pourriez m'acheter mon cheval. Attends que je le regarde. Pour le prix, c'est 11 louis. Il a quoi ? 11, 12 ans ? Les jambes sont pas aussi lestes que ça. Vous n'en avez pas de si fort dans votre écurie. Bon. 9 louis, peut-être. Restons pas au milieu de la cour, on va discuter. D'accord, discutons. Mais c'est 11 louis. Sinon, je le mène chez mon cousin Libert, il m'en donnera ce que je veux. Bien, entre. Midi. C'est pas tout ça, mais j'embauche tout à l'heure les faucheurs pour la récolte de juillet. On est déjà le 20 juin. Et Pierre-François, qui n'est pas là, tu sais, Jeanne, ils ont décidé de s'appeler Assemblée nationale. Ils sont tous en joie à Versailles. On doit se réjouir aussi. Je me demande bien ce qu'il fait, Pierre-François, en ce moment. 20 juin 1789. Dans l'entourage du roi, la contre-attaque s'organise. Pas question pour le roi de laisser cette assemblée du clergé et du tiers, soi-disant nationale, gouverner à sa place. Il faut par tous les moyens la dissoudre. Le 20 au matin, les députés se présentent devant la salle des menus plaisirs. Elle est fermée sur ordre du roi. Des gardes royaux en défendent la porte. Le député Guillotin propose alors d'aller à la salle du jeu de paume à deux pas. C'est là, dans ce lieu vide, délabré, que va avoir lieu un des moments fondateurs de la Révolution française. On nous a interdit l'entrée de notre salle, sans nous prévenir. Ce jeu de paume, tout le monde va tenir, seulement on est debout. Il y en a qui se sont assis dans les casiers à raquettes. Certes, le roi est en grand chagrin, le dauphin vient de mourir, 7 ans. Pauvre petit. Mais il aurait pu empêcher ça. On nous menace. Bientôt, ils vont nous embastiller. Quoi ? Répondre à la nation par la force ? Tu n'as pas peur. Il y en a qui disent « Périssons s'il le faut, mais périssons avec gloire. » On va pas se faire arrêter. Du calme, Joseph. Et si la noblesse prend les armes ? Tu dois retourner vers tes électeurs et dire « Me voilà, je rentre, j'ai peur. On m'a confié le destin de la France, mais je suis trop faible. » Non, Joseph, on a promis. On va lire les cahiers de doléances en assemblée et faire ce qu'on a dit, donner des droits au peuple. Qui peut le faire si ce n'est nous ? Ah, attends, ils font passer un papier dans les rangs, là. Citoyens. L'Assemblée nationale doit fixer la Constitution et maintenir les vrais principes de la monarchie. Rien n'empêchera ces délibérations. Partout où ses membres sont réunis, là est l'Assemblée nationale. Nous prêterons donc serment solennel de ne jamais nous séparer jusqu'à ce que la Constitution soit établie. Tous les membres confirmeront par leur signature cette résolution inébranlable. Oui ! Nous le jurons ! Vive l'Assemblée nationale ! Pierre-François Lepoutre est parmi les 577 députés qui prêtent serment, bientôt rejoints par une grande partie du clergé. Le serment du jeu de paume, l'engagement symbolique qui donne à l'Assemblée nationale son unité invincible. Du côté du gouvernement, Necker propose au roi d'abolir les privilèges fiscaux pour apaiser le tiers. Mais quand il prend la parole le 23 juin, le roi annule toutes les décisions de l'Assemblée nationale et ordonne de se séparer en trois ordres. La noblesse obéit et quitte la salle. Dans cette salle, où vient de résonner la parole royale, l'Assemblée nationale entre en rébellion. Messieurs les députés, 25 millions de Français attendent de nous un bonheur certain, parce qu'il sera pour tous. Mais la liberté de vos délibérations est enchaînée. Une force militaire environne l'Assemblée. Où sont les ennemis de la nation? Oui, messieurs, au jeu de paume, nous avons fait un serment. Il ne permet de nous séparer qu'une fois la Constitution établie. Nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes. Les mots de Mirabeau ne cessent de me revenir. Un bonheur certain parce qu'il sera pour tous. Un bonheur certain. Ici, à l'Assemblée nationale, le bonheur, c'est de se battre pour tous. C'est le bonheur public, la fraternité, la liberté. Mais est-il possible quand ceux qui gouvernent ne pensent qu'à asservir le plus grand nombre au profit du plus petit? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tiens. Combien de discussions ou de disputes pour qu'elle obtienne le cachet noir ou rouge de l'Assemblée nationale? Mais ce sera un ouvrage qui servira de base au bonheur de tout l'univers. Et est-ce qu'un roi ne viendra pas nous dire « tout cela ne vaut rien » Oui, tout est incertain. Et peut-être que les seigneurs qu'on veut chasser seront remplacés par d'autres. Alors il faudra recommencer, jusqu'à la perfection du bonheur. Pierre-François Lepoutre, paysan et député du tiers-état de Christine Spianti, avec Pierre-François Lepoutre, Arnaud Churin, Angélique Lepoutre, Elsa Bosque, Jeanne, Lisa Perriot, Pierre Castelin, Quentin Dolmer, Joseph Nolf, Grégoire Lagrange, Mirabeau, Antoine Cahan, l'abbé Seyès, Aurélien Ouzinski, Robespierre, César Duminil, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage, Claude Niort et Antoine Espel, assistante à la réalisation, Léa Racine, réalisation, Cédric Ossir. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur les cahiers de doléances et les états généraux avec mon invité, Pierre Cernat. Anything I do, I want you here. You don't know what it's like to be around you. I still got my fear. It's the way you say yes when I ask you to marry me. Thank you. Oblivions par The National sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Charles Pélabon. Pierre Cerna, nous avons donc vécu avec Pierre-François Lepoutre le début de ce qu'allait être une révolution, la révolution française. Évidemment, il n'en sait rien, personne n'en sait rien à ce moment-là. L'histoire va continuer, la prise de la Bastille et tout le reste. Pour revenir à Pierre-François Lepoutre, c'est un personnage assez étonnant, attachant, assez secondaire aussi, puisque c'est pas lui qui prend la parole beaucoup. On entend surtout Mirabeau, Robespierre, Sieyès, et en même temps, il va se transformer au fil des mois, au fil des semaines. Secondaire, bien sûr, si l'on regarde les célébrités que va inventer l'Assemblée et l'art oratoire, la rhétorique. Mais en même temps, c'est un héros pas si ordinaire que cela. C'est-à-dire que, d'abord, il fait partie des moins de 10 fermiers qui sont à l'Assemblée nationale, donc il représente finalement, lui, réellement, la France des 75% de fermiers, de paysans, même s'il a un statut tout à fait spécial. Et puis, il me fait plaisir de parler de Pierre Lepoutre, parce que c'est évoqué aussi la mémoire de la grande historienne Edna Lemay, qui l'a découverte, et puis de mon collègue et ami Jean-Pierre Gessen, spécialiste de la fermocratie et de ces gens, qui étaient des gens intermédiaires entre le peuple et les élites, mais qui vont porter la révolution. Oui, c'est un engagement extrêmement fort. Il s'engage dans les cahiers d'oléances, il part à Versailles, c'était quand même un fermier, il a des responsabilités, des récoltes à surveiller. Il délègue d'ailleurs tout cela à sa femme, qui est aussi une femme assez intéressante. On voit bien que les femmes auraient pu jouer un rôle plus important dans cette révolution si on avait voulu d'elles. Ont joué un rôle important. Oui. Elles ont joué un rôle important, essentiel, comme tant de femmes en France pendant cet été 1789. C'est le moment crucial dans une économie d'ancien régime, c'est-à-dire le moment de la récolte. Bah, si on connaît bien l'histoire de Lepoutre, c'est aussi justement grâce à sa correspondance avec sa femme. Pour en revenir au cahier de doléances, donc il y en aura environ 60 000 qui seront rédigés dans toute la France, un peu plus. Ce sont des documents extraordinaires. On en voit certains dans votre livre, Pierre Cerna, dans des écritures très belles. Enfin, qu'est-ce que ces documents révèlent des Français de 1789 ? Alors, pour reprendre évidemment les travaux fondateurs, ceux de l'immense Jean Jaurès, qui fonde en 1903 donc la commission qui va publier les cahiers de doléances et qui va donner aux historiens donc un formidable outil. Alors comment sont-ils ces Français ? Ils sont pas forcément éduqués, évidemment il n'y a pas d'école, mais ils ne sont pas naïfs pour autant. Bien évidemment, on ne cesse de dire les Français ne savent pas lire et écrire. Ce qui m'a frappé surtout en lisant le plus possible de cahiers, c'est que les Français savent compter. Et quand on voit la technicité avec laquelle les plus petites communautés villageoises savent jongler avec les chiffres pour calculer le cens, le champart, dîme, le dixième, la taille. Pas besoin d'avoir lu Diderot, Voltaire et Rousseau pour être en face d'une prise de conscience que l'on voit très bien émerger. Et on a déjà une idée d'un impôt progressif et d'un impôt que l'on pourrait appeler sur la fortune. Donc moins d'impôts, également plus de justice et plus de liberté. Mieux d'impôts répartis, je dirais. Mais quant à la justice et à la liberté, oui, bien évidemment. Mais vous me permettrez quand même d'insister sur un point qui va peut-être choquer nos sensibilités écologiques d'aujourd'hui. Mais dans la plupart des cahiers qui sont des cahiers de paysans, c'est la chasse que l'on veut. On veut une chasse égalitaire car c'est une conquête démocratique qui est peut-être la plus grande en 1789, dans le contexte de 1789. La chasse est un privilège de la noblesse. Bien évidemment. Et surtout, être armé est une preuve de citoyenneté. N'oublions pas d'abord que ces cahiers de doléances éclatent dans un monde en révolution. On a l'impression que la France est le seul pays à faire sa révolution. Mais les Américains ont déjà fait leur révolution. Les Genevois aussi, les Brabants également, les Liégeois, l'Angleterre est au bord également de la révolution. Et les Provinces-Unies ont connu leur révolution. Et ces paysans, fussent-ils dans les Pyrénées, fussent-ils dans les Alpes, ont entendu parler de cela. Ces cahiers d'oléances ont-ils été lus et surtout pris en compte par les États généraux et l'Assemblée nationale ? Oui, et c'est à ce moment-là que naît la nation. Lorsqu'on fait des études désormais lexicométriques dans les textes que nous avons, on peut le faire grâce à des logiciels de calcul de mots, on voit que le mot « nation » a été le plus employé en 1788. Et en 1789, grâce aux travaux fondamentaux de Mona Ozouf, l'historienne, on sait que le mot le plus utilisé, c'est pas le mot citoyenneté, c'est le mot régénération. Régénérer la nation. Il n'y a pas que la demande de payer moins d'impôts, il y a aussi une demande de moraliser la France. Avoir des mœurs qui soient en relation, qui soient en adéquation avec une vie simple, avec une vie de bon sens, avec une éducation. Car ces paysans demandent une école pour chaque village. Ils demandent parfois une école pour les filles et pour les garçons. Ouais, ils demandent également que des officiers royaux de santé s'occupent d'eux. Ils ne sont pas simplement obsédés par les impôts. Et puis, ce qu'ils demandent également... Ils ne pensent pas qu'à eux-mêmes aussi, ils pensent à l'abolition de l'esclavage. Mais tout à fait, dans un raisonnement qui est d'une rigueur implacable. Dans les cahiers de Reims, par exemple, c'est par analogie historique que l'on fait le rapport avec l'esclavage, en disant, mais finalement, il y a 8 siècles, au temps du Moyen-Âge, nous étions comme, on le disait à l'époque, les nègres, en réfléchissant à ce qu'ils appellent leur servitude, ils en arrivent à élargir leur horizon d'attente politique, à penser aux esclaves, la France est un empire colonial tout à fait important, et à demander l'abolition de la traite d'abord, de l'esclavage, dans au moins 30 cahiers que j'ai pu repérer. Merci beaucoup Pierre Sarnat. Votre livre « Que demande le peuple ? Les cahiers de doléances de 1789 », manuscrits inédits, un très beau livre, sort cette semaine chez Textuel. À lire également le journal d'Adrien Duquesnoy, un révolutionnaire malgré lui, présenté par Guillaume Mazot, édité au Mercure de France. Et à voir une exposition « La révolution s'affiche » à l'Assemblée nationale jusqu'au 15 novembre. Merci. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous repartirons en arrière, aller sous l'Ancien Régime à la cour de Versailles en 1683 après la mort de la reine Marie-Thérèse, le mariage secret de Louis XIV et de Madame de Maintenon. C'est dimanche prochain donc dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes, après le flash, vous avez rendez-vous bien sûr avec Nadia Dame pour Modern Love. Très bonne soirée sur France Inter.